faire. Je n'en peux plus d'attendre, comme si je n'avais que ça à faire. Plutôt qu'un train à grande vitesse, je suis tombé sur un train en retard. TER, je confesse, ce m'a tout l'air d'un canular. C'est un vrai calvaire. Son âge n'est pas son fort, mais je compatis à sa galère. Plutôt qu'un train à grande vitesse, je suis tombé sur un train en ruine. TER, je le confesse, ne paiera jamais de mine. Ça y est, c'est le bonbon et même le vrai bonbon funèbre. Le train a rendu l'âme, on n'a plus qu'à gambader dans l'herbe. Plutôt qu'un train grande vitesse, je suis tombé sur un train en rade. TER, je le confesse, reste une franche rigolade.